Chapitre 32e, Monsieur Auriel. Nous devons maintenant présenter un nouveau personnage à nos lecteurs et nous tâcherons de le faire aussi brièvement que possible. Nous avons déjà parlé du recteur de Grahamsbury, mais jusqu'ici aucune occasion favorable ne nous a permis de mettre le révérend Caleb Auriel en évidence. Monsieur Auriel était un homme riche et de bonne famille, qui avait puisé à l'université d'Oxford les principes les plus ultramontains de l'église anglicane et qui était entré dans les ordres sous l'influence d'une admiration enthousiaste pour le saint ministère. Ce n'était ni un ascétique, ni encore moins un bigot. Il était parfaitement capable de remplir les devoirs d'un pasteur et il s'en acquittait avec zèle. Mais on peut dire sans médisance que comme jeune homme, sa vocation l'attirait plus vers le côté extérieur et visible de la religion que vers ses grâces spirituelles et latentes. Il se complaisait dans les services religieux célébrés à l'aube du jour pendant les froides matinées d'hiver et auxquelles personne n'assiste, dans l'intonation monotone de la litanie et des prières, dans le service chanté en chœur, en un mot, dans tout ce pompeux cérémonial du culte anglican qui scandalise si fort ceux de nos frères qui vivent dans la crainte perpétuelle de nous voir passer à l'église de Rome. Maint ami de M. Auriel déclarait qu'il y passerait tôt ou tard, crainte mal fondée, car quoiqu'il fût suffisamment enthousiaste pour se lever en hiver à 5 heures du matin, il le fit du moins pendant le premier hiver qu'il passa à Grahamsbury, il n'eut pas changé son irréprochable habit noir contre le sale froc du Capucin, ni son agréable presbytère contre quelque ignoble cellule de Rome. Il valait mieux qu'il en fût ainsi et pour lui et pour les autres. Les véritables Hus et les véritables Luther sont rares. On ne gagne pas grand-chose à être un faux Hus et un faux Luther, ni celui qui aspire à l'être, ni ses voisins moins encore. Quoi qu'il en fût, M. Auriel s'imposait certaines privations. Par exemple, il fuyait le mariage, s'imaginant que le mariage ne convenait pas à un pasteur. Il jeûnait rigoureusement le vendredi, et quelques-uns de ses voisins prétendaient qu'il se donnait la discipline. Nous avons dit que M. Auriel était riche, c'est-à-dire qu'à sa majorité, il se vit en possession d'une fortune de 30 000 livres sterling. Lorsqu'il se décida à entrer dans l'église, sa famille acheta pour lui la présentation ou survivance au bénéfice de Grahamsbury, et une année après son ordination, ce bénéfice étant devenu vacant, M. Auriel et sa sœur vinrent s'installer au presbytère. M. Auriel ne tarda pas à se faire aimer dans sa paroisse. C'était un homme d'extérieur agréable, aux manières distinguées et charmant en société, ni trop adonné aux austérités monacales, excepté toutefois en ce qui regardait le jeûne du vendredi, ni trop partisan des sévères principes de la basse église. Somme toute, c'était un parfait gentleman, il n'avait qu'un défaut, il fuyait le mariage. Sous ce rapport, il souleva contre lui une espèce de conspiration qui faillit un moment lui être funeste. Non seulement, se disait-on, ses inclinations le portaient à se prononcer contre le mariage, lui à qui la fortune avait donné tous les moyens de maintenir une famille, mais quel exemple donnait-il à ses confrères? Que deviendrait la province si les autres pasteurs allaient aussi se déclarer contre le mariage des ecclésiastiques? Les doctrines d'un Brigham Young, le pape des Mormons, sur la polygamie, n'eurent guère plus révolté que celles qu'on supposait à M. Auriel. Il y avait dans le voisinage de Grahamsbury bon nombre de demoiselles à marier. Je crois qu'elles abondent généralement dans les localités analogues. M. Auriel n'eut pas à se plaindre des avances importunes des dames du manoir. Béatrice était à peine arrivée à l'âge d'être présentée dans le monde, et selon toute probabilité, elle était peu disposée à se préoccuper d'un jeune pasteur. Quant à Augustin, elle avait certes de plus hautes visées. Mais il y avait les demoiselles Athling, filles d'un pasteur du voisinage, qui étaient toutes on ne peut mieux disposées à se joindre à M. Auriel dans tout ce qui concernait les cérémonies de l'anglicanisme, excepté, bien entendu, dans le saint état du célibat. Puis les deux Miss Hestowell de Hestowell Park, dont la plus jeune avait hardiment déclaré son intention de civiliser le sauvage pasteur. Puis Mrs. Opie Green, très jolie veuve avec un joli douair, qui habitait une très jolie maison située à 1 mile environ de Grahamsbury, et qui partageait, déclarait-elle, la manière de voir de M. Auriel sur les devoirs et la position d'un ministre de l'hôtel. Puis il y avait la jeune Miss Gushing. Celle-ci avait un grand avantage sur ses compétitrices. Il lui était facultatif d'assister au service du matin. Or, s'il y avait possibilité d'arriver à M. Auriel, c'était probablement par ce moyen. Si quelque chose pouvait le civiliser, c'était sans doute cette conformité pratique avec sa manière de voir, de sorte que pendant un long et rigoureux hiver, la jeune Miss Gushing s'arracha tous les matins à 5 heures de son lit pour se rendre à 6 heures à l'église de M. Auriel. Là, agenouillée dans un coin obscur, elle faisait les réponses aux prières avec une assiduité infatigable et une voix animée par l'enthousiasme religieux. Miss Gushing ne manqua pas complètement son but. Quand l'auditoire quotidien d'un pasteur se compose d'une seule personne, et que cette personne est une jeune fille, il est presque impossible qu'il ne s'établisse pas entre eux quelques relations. Presque impossible que le digne ministre n'ait pas pour la jeune fille quelque reconnaissance. Miss Gushing répondait avec tant de ferveur aux prières. Elle demandait des conseils spirituels avec un désir si manifeste d'apaiser ses scrupules religieux que M. Auriel se prêta jusqu'à un certain point aux efforts qu'elle faisait en vue de sa civilisation. Peu à peu, il arriva que la jeune Miss Gushing ne put jamais venir à bout de faire sa dernière prière, de rajuster son châle et son boa, et de serrer son joli livre de prière, avant que M. Auriel se fût débarrassé de son surplis et fût sorti de la sacristie. Ils se rencontraient alors sous le porche de l'église et cheminaient tout naturellement ensemble jusqu'à ce que la cruelle grille du jardin de M. Auriel vînt les séparer. La jeune Miss Gushing se disait quelquefois, en constatant les progrès de la civilisation du pasteur, qu'il aurait au moins pu l'accompagner jusqu'à la porte de Mrs. Yates Humbleby. Mais l'espoir la soutenait quand même, et elle était fermement résolue, sinon de réussir, du moins de le mériter. « N'est-ce pas bien dommage, lui dit-elle un jour, que personne ici ne profite de l'inestimable privilège dont nous jouissons depuis votre arrivée. Oh, monsieur Auriel, si vous saviez combien cette indifférence me surprend. Pour moi, j'éprouve tant de bonheur dans l'accomplissement de ce devoir. Le service du matin dans le demi-jour d'une église a quelque chose de si beau, de si touchant. Je suppose que pour la plupart de mes paroissiens, c'est un ennui de se lever de si bonne heure, dit M. Auriel. Un ennui ? S'écria la jeune Miss Gushing d'un ton enthousiaste. Qu'ils sont insensés ! Pour moi, cela donne un nouveau charme à la vie. Cela repose l'esprit et nous dispose à mieux supporter les épreuves de la journée. Ne le pensez-vous pas, M. Auriel ? Certes, je considère la prière du matin comme un devoir impérieux. Oui, un devoir impérieux, mais en même temps délicieux. J'en ai parlé à Mrs. Humbleby, mais elle m'a répondu qu'elle ne pouvait quitter ses enfants. « Non, je comprends, » dit M. Auriel. Et M. Humbleby dit que ses occupations l'obligent à veiller si tard. « Sans doute, je ne m'attends pas à voir des hommes d'affaires assister au service du matin. » « Mais les domestiques pourraient au moins y venir, ne le pensez-vous pas, M. Auriel ?»« Les domestiques ont, je crains, rarement le temps d'assister au service religieux de la semaine. »« Oh, oh non, peut-être que non. » Et Miss Gushing se prit alors à se demander de quelle personne devait se composer l'auditoire que M. Auriel désirait voir assister à ses prières. Mais M. Auriel ne l'éclaira pas sur ce point. Puis la jeune Miss Gushing commença à jeûner les vendredis et fit même quelques vaines tentatives pour amener son pasteur à lui offrir les consolations de la confession. Mais malheureusement, le zèle du maître se ralentit à mesure que celui de la néophyte redoubla. Et quand la jeune Miss Gushing revint à Greshamsbury, après une excursion qu'elle avait faite avec Mrs. Humbleby à Weston-super-Mare, elle trouva que les délicieux services du matin étaient morts de mort naturelle. Cependant, elle ne perdit pas courage et continua à poursuivre son but en dépit du peu de complaisance qui y mettait M. Auriel. Miss Patience Auriel, bien que sincèrement pieuse, ne partageait pas le rigorisme de son frère et ajoutait peut-être très peu de foi à la dévotion des Gushing, des Dustling et des Hoppy Green. Mais elle n'en était pas moins attachée à son frère, ne perdant pas l'espoir de le voir un jour revenir de ses préjugés et reconnaître qu'un pasteur anglican peut faire plus de bien dans sa paroisse avec l'assistance d'une vertueuse épouse qu'il ne le peut sans cet auxiliaire. La jeune fille qu'elle avait choisie pour l'épouse de son frère n'était pas l'innocente Miss Gushing, mais bien Miss Beatrice Gresham. Peu à peu, les plus intimes amies de M. Auriel constatèrent un changement notable dans ses dispositions. Non qu'il eût commencé à faire la cour à Béatrice, ni qu'il se fût compromis en exprimant une opinion favorable au mariage des pasteurs, mais de jour en jour, il se relâchait quelque peu de sa rigidité fulminée avec moins d'ardeur qu'auparavant contre l'usage antifraternel des bonnes familles dans les églises, et profitait de quelques occasions pour s'entretenir en particulier avec Béatrice Gresham. Béatrice avait toujours témoigné une extrême indignation lorsque, dans leurs jours heureux d'autrefois, Mary s'était plu à faire quelques commentaires à ce sujet, et l'innocente Miss Gushing avait ri du bout des lèvres en faisant observer que les filles de bonne famille pouvaient impunément être aussi effrontées que cela leur plaisait. Tout cela s'était passé avant que la guerre intestine fût venue diviser les habitants de Greshamsbury. M. Auriel prit insensiblement l'habitude de pousser sa promenade jusqu'au manoir, dans le but, il le croyait du moins, de causer avec Lady Arabella. Puis il retournait chez lui, après avoir ordinairement trouvé l'occasion d'échanger quelques mots avec Béatrice. Les choses continuèrent ainsi pendant toute la guerre entre le docteur Thorne et Lady Arabella, puis un beau matin, un mois environ avant le jour fixé pour leur tour de Franck, M. Auriel se trouva l'heureux fiancé de Miss Béatrice Gresham. À dater du jour où la jeune Miss Gushing en eut connaissance, ce qui toutefois ne fut que longtemps après, elle devint méthodiste indépendante. Elle ne pouvait plus, dit-elle dans le premier moment, avoir foi dans aucune secte, et pendant une heure au moins, elle fut tentée de jurer qu'elle ne pouvait plus avoir de confiance dans aucun homme. Elle avait presque achevé de broder un tapis de table de communion sur la destination duquel elle n'avait pu, dans l'enthousiasme de son jeune cœur, garder le silence. Elle l'avait déjà promis à M. Auriel. Cette promesse, elle jura de ne pas la tenir. C'était un apostat, disait-elle, un homme faux et pervers, avec lequel elle ne se serait jamais aventurée seule dans l'obscurité pendant les froides matinées d'hiver si elle s'était doutée de ses inclinations mondaines. L'innocente Miss Gushing devint donc méthodiste. Le tapis de table de communion fut découpé en pantoufles pour les pieds du prédicant méthodiste, et la jeune Miss elle-même, plus heureuse sous ce rapport qu'elle ne l'avait été sous l'autre, et devint l'arbitre de la félicité domestique du prédicant. Mais nous avons anticipé sur le dénouement de cette petite histoire de la vie de Miss Gushing. M. Auriel fut fiancé à Béatrice presque à huis clos, et personne, en dehors des deux familles, n'en fut informé. Tout le Barsetshire avait eu vent des projets de mariage entre Augusta et M. Moffat, entre Frank et Mary Thorne, mais ceux de M. Auriel et de Béatrice furent tenus dans le plus profond secret. « Je vous trouve bien heureuse, » dit un jour Patience à son amie Béatrice. « En effet, je le suis. Il est si bon. Vous ne vous en doutez pas encore. Il ne pense jamais à lui. Il ne vit que pour ceux qu'il aime. » Béatrice prit la main de son amie et la porta à ses lèvres. Quand une jeune fille est sur le point de se marier, quand elle peut parler sans contrainte de son amour, il n'y a pas de musique plus douce à ses oreilles que l'éloge de son fiancé. « J'avais résolu dès le principe qu'il vous épouserait, » continua Miss Auriel. « Quelle folie, Patience !»« C'est comme je vous le dis, j'y étais décidé. D'ailleurs, il n'avait à choisir qu'entre deux personnes. « Miss Gushing et moi ?» dit Béatrice en riant. « Non, pas Miss Gushing. Sous ce rapport, je n'avais aucune crainte pour Caleb. « Mais je la trouve très jolie. » dit Béatrice, qui savait être bienveillante. Miss Gushing était certainement jolie, et elle l'aurait été davantage si son nez eût été moins en l'air, et qu'elle eût pu séparer ses cheveux par une ligne plus régulière. « Enfin, je suis très flattée que vous m'ayez choisie, » ajouta Béatrice, bien qu'elle fût convaincue que M. Auriel avait choisi pour lui-même, et sans la moindre hésitation. « Et quelle est l'autre personne ?» demanda-t-elle. « Ne pouvez-vous pas deviner ?»« Je ne veux plus deviner. Mrs. Green, peut-être ?» « Oh non, certainement, pas une veuve. Je n'aime pas que les veuves se remarient. Mais vous pourriez deviner, si vous le vouliez. C'est Mary Thorne, naturellement. Mais je me suis vite aperçu que Mary ne conviendrait pas à Caleb. Il ne l'aurait jamais assez aimé, et Mary ne l'aurait pas aimé du tout. »« Elle ne l'aurait pas aimé. Oh, j'espère bien qu'elle l'aimera. Je l'aime tant, elle. Et moi aussi, ma chère. Caleb l'aime également, mais il n'aurait jamais pu l'aimer comme il vous aime. L'avez-vous dit à Mary, Patience ?» « Non, je ne l'ai dit à personne, et ne le dirai pas sans votre autorisation. Dites-le-lui, je vous en prie, en lui faisant mes plus sincères amitiés. Dites-lui combien je suis heureuse et combien je désire lui parler. Dites-lui que je veux la voir pour ma demoiselle d'honneur. Oh, j'espère qu'avant cette époque, cette affreuse querelle sera terminée. » Patience transmit à Miss Thorne le message de Béatrice. Mary se réjouit en apprenant le mariage de son amie. Car quoiqu'elle ne se fût en effet jamais sentie disposée à avoir de l'amour pour M. Auriel, elle était convaincue qu'entre ses mains le bonheur de son ami était assuré. Peu à peu, la conversation des jeunes filles prit une autre direction. Et de l'amour de M. Auriel et de Béatrice, elles passèrent au malheur de Frank Gresham et de Mary Thorne. Béatrice dit que, quoi qu'il arrive, elle veut vous avoir pour une de ces demoiselles d'honneur. Chère Béatrice, oui, cela avait été convenu entre nous dans le bon vieux temps, mais ces projets sont complètement renversés maintenant. Non, je ne puis être sa demoiselle d'honneur, mais j'espère l'avoir au moins une fois avant son mariage. Et pourquoi ne le pouvez-vous pas? Lady Arabella ne s'y opposera probablement pas. Lady Arabella! Dit Mary avec une moue dédaigneuse et en jetant d'un air indifférent son dé sur la table. Si Béatrice m'invite à son mariage, c'est sans doute parce qu'elle le peut. Je ne m'inquiète nullement de Lady Arabella. Alors pourquoi ne voulez-vous pas y venir? Mary garda un moment le silence, puis elle dit avec fermeté. Quoique je ne me soucie pas de Lady Arabella, je me soucie de Monsieur Gresham et de son fils. Mais le Squire vous a toujours beaucoup aimé. Oui, et c'est pour cette raison que je ne veux pas le persécuter de ma présence. À dire vrai, patience, je ne puis retourner au manoir avant que Frank Gresham soit marié, ou que je sois marié moi-même. Je ne pense pas qu'ils aient bien agi à mon égard, mais je ne tiens pas à leur rendre l'appareil. J'en suis bien sûr, Mary. Et voilà pourquoi je ne veux pas me rendre à leur fête. Non, patience. Et Mary, appuyant sa tête sur le bras de son fauteuil et cachant son visage, essaya de dissimuler ses larmes. Un instant, elle avait été sur le point de révéler toute la vérité à son amie, mais elle y renonça tout à coup. Pourquoi aurait-elle parlé de son propre chagrin? Pourquoi aurait-elle parlé de son amour, puisqu'elle était formellement décidée à ne pas parler des promesses de Franck? Marie, chère Marie, tout, excepté la pitié, patience, tout, hormis cela, dit-elle en étouffant ses sanglots et en essuyant ses larmes. « Je ne puis supporter la pitié. Dites à Béatrice que je lui souhaite tout le bonheur qu'elle mérite, et avec un mari comme M. Auriel, je ne doute pas qu'elle ne soit heureuse. Je lui souhaite toutes les joies possibles, mais dites-lui que je ne puis assister à son mariage. Oh, je serais si heureuse de la voir, non là-bas, mais ici, dans ma chambre, où je puis encore parler en liberté. Mais pourquoi une telle décision maintenant? Elle ne se marie pas encore. Ce sera présent ou dans un an que cela ne ferait aucune différence. Je ne retournerai plus au manoir, à moins... Mais n'importe, je n'y retournerai jamais, jamais. Si je pouvais pardonner à Lady Arabella sa conduite envers moi, je ne pourrais lui pardonner ses procédés envers mon oncle. Mais dites-moi patience, Béatrice ne pourrait-elle pas venir ici? C'est si pénible pour moi de la voir chaque dimanche à l'église, sans pouvoir jamais lui parler, jamais l'embrasser. Elle paraît éviter mon regard, comme si elle était décidée à rompre aussi avec moi. Miss Auriel promit de faire tout ce qui dépendrait d'elle à cet égard. Elle ne conseillerait certainement pas à Béatrice de venir chez Mary à l'insu de sa mère, mais elle n'imaginait pas que Lady Arabella s'y opposa, car elle devait bien savoir qu'une fois mariée, sa fille serait libre de choisir ses amis. « Adieu, Mary, » dit Patience. « Je voudrais pouvoir vous offrir de meilleures consolations. »« Des consolations? Je n'en ai pas besoin. Je demande seulement qu'on me laisse tranquille. » « Oui, c'est cela. Vous êtes si fière, si inflexible, si décidée à n'accepter que le triste côté des choses. »« Ce que j'accepte, je l'accepte sans me plaindre, » dit Mary. Et les deux amies se séparèrent en s'embrassant.